Ray Charles, Billie Holiday, Bob Marley, Quincy Jones, Stevie Wonder, Michael Jordan, Jimi Hendrix, Godfather Soul James Brown, Spike Lee, Muhammad Ali, Public Enemy, Jesse Jackson, The Black Untouchable, Martin Luther King, Nelson Mandela, Malcolm X. Thank you. Jesus. Thank you. Allez, hop, on massacre encore un petit peu les cassettes. Je vous laisse, après c'est promis, jusque minuit sans faute en compagnie. Bon, là c'est Mathieu qui va finir jusque 9h20. Ensuite ce sera mon tour, ça sera assez boum boum dynamique ce soir. Et puis il y aura notre ami Philippe qui prendra vers 22h40. Et ça y est, va recommencer, c'est pas vrai. Non Mathieu, arrête. Merci. Donc il y aura un petit jeu vite fait, on vous laisse en dernier avec, c'est simple, on va pas faire compliqué parce que bon là tout à l'heure c'était le téléthon qu'il fallait trouver, c'était vraiment très très difficile. Et puis tiens, juste la question, à savoir est-ce que Mathieu est... voilà, comme ça tu me laisses tranquille, merci. Donc... Allez, le troisième appel gagne un vinyle techno, donc c'est au 03 27 78 34 34, donc le troisième appel remporte un vinyle, et moi je vous dis à la semaine prochaine, toujours de 20h jusqu'à 24h, et ça sera avec Valérie et Gaël le vendredi prochain. Allez, salut et bonne soirée. Buddha of compassion. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn.